Raymond Poirier est avec nous en studio pour parler technologie de l'information. Bonjour Raymond. Bonjour Tania. Et aujourd'hui, on va encore parler de ville intelligente parce que c'est un sujet dont on aime bien parler. Et on va parler de la technologie comme outil de médiation entre citoyens et administration publique, donc finalement entre les citoyens et la ville. Exactement. Il faut dire que cette optique-là, on va l'explorer au fil de prochaines semaines également, en lien avec le gros colloque qu'on organisait du côté de l'Institut de technologie de l'information et société dans le contexte du 81e congrès de l'ACFAS. Ça avait lieu début mai. Et donc, c'était 5 jours d'exploration autour de la thématique, justement, des villes intelligentes. Et au fil des journées, on s'est bien rendu compte que ce soit en matière de gouvernance, que ce soit en matière de patrimoine, de santé, d'éducation, mais au bout du compte, les technologies deviennent un peu un outil de médiation pour permettre aux gens, aux citoyens, citoyennes, aux utilisateurs, utilisatrices, d'entrer en contact, dans le fond, avec différentes réalités et à ceux qui travaillent à l'intérieur même des administrations, à l'intérieur même des systèmes comme le système de santé et d'éducation, mais également de communiquer entre eux, de partager. Donc, vraiment, c'est l'usage des technologies comme médiateur qui est vraiment ressorti. Et en même temps, ben, ça reste en lien avec ce qu'on propose et ce qu'on amène sur la place publique autour de la thématique des villes intelligentes, puisque, ben, pour rappeler en quelques mots, on dit que la ville est un système de systèmes et que le rôle des technologies, c'est de lier un peu ces systèmes-là, donc de servir aussi de médiateur entre différents silos, entre différentes réalités, et tout ça, ben, au bénéfice du citoyen qui, au bout du compte, est le dernier réceptacle de cette proposition de médiation qu'on amène. Parce que ça peut être facile de se perdre dans les systèmes d'une ville. Ça peut être très facile et ça l'est parfois également. Évidemment, dans ça, l'idée, c'est d'un côté de bien comprendre ce qu'est la ville et de l'autre côté de bien comprendre aussi quels sont les changements qui sont amenés par les technologies à l'intérieur de la ville. Parce que, bon, oui, il y a cette idée donc de lier les systèmes, d'en créer des nouveaux, mais en même temps, il y a toujours cette idée qu'on ramène de temps à autre aussi que les besoins et les réalités des citoyens aujourd'hui, du moins des utilisateurs de technologies, ne sont plus nécessairement les mêmes non plus. Alors, mon petit rappel, quand on parle de ville intelligente, donc évidemment, on parle de villes comme Québec, comme New York, comme Nice, des lieux où il y a des outils technologiques qui ont été mis de l'avant. Ça va d'outils liés au sans-fil, comme Zap Québec ici à Québec. Ça va à des outils qui permettent de lier des villes ensemble, comme il y a un réseau Interville qui permet le partage d'outils technologiques. Donc, c'est assez vaste. Et même, nous rappelait d'ailleurs un conférencier, c'est pas nécessairement toujours lié non plus aux technologies, parce qu'il n'y a pas de définition absolue pour l'instant des villes intelligentes, mais plutôt... On avait essayé, mais... Mais c'est encore en développement. Ouais. Et donc, c'est plutôt, dans le fond, dans la manière dont on utilise ces outils-là qui devient intelligente. Parce que de la technologie, on peut en mettre partout, mais il y a une manière intelligente de l'utiliser, mm-hmm. de l'intégrer. Alors, donc, c'est, selon ce conférencier-là, Selma Louli, l'idée d'un contexte politique qui va influencer le développement des villes intelligentes, le leadership, des modes de gouvernance, le rôle des citoyens, des initiatives qui sont mises de l'avant, et tout ça, donc, dans le fond, dans l'esprit et dans l'optique de faire les choses autrement et d'apprendre donc aux mécanismes à apprendre les uns des autres d'une certaine façon. Alors, ça, c'est un peu le contexte général. Évidemment, là-dedans, ben, il faut se questionner sur, justement, les attentes des citoyens, comme je le disais, les attentes qui sont liées notamment à l'idée de transparence. Donc, un conférencier qui s'appelle Jean-François Gauthier, l'Institut sur la gouvernance numérique, qui disait, mais regardez, de plus en plus dans le monde, on met de l'avant l'ouverture des données. Il y en a aussi des données ouvertes à Québec. Évidemment, l'idée, c'est d'ouvrir des données qui sont variées, qui permettent aux développeurs de créer des choses nouvelles et qui amènent, d'une certaine façon, les gouvernements, selon lui, à gérer autrement la notion de technologie dans la mesure où il a l'impression qu'on passerait, si on embrassait véritablement donc cet univers-là, d'un monde où on gère l'informatique à un monde où on gère l'information. Donc l'informatique, c'est un peu cette idée d'infrastructure, donc les ordinateurs, les outils, l'appareillage électronique. Gérer l'information, c'est gérer ce qu'on peut faire avec ces outils-là. Et donc l'idée, c'est de plus nécessairement envisager la technologie en fonction de l'infrastructure, mais en fonction des usages qui peuvent découler des infrastructures existantes ou d'éventuelles nouvelles infrastructures. Donc la solution n'est pas nécessairement l'objet, c'est la manière dont on utilise l'objet. C'est beau l'horaire d'autobus, mais il y a autre chose aussi à faire avec ça, là. Exactement, il y a d'autres choses à faire avec ça, ou le tableau interactif, par exemple, quand on pense aux établissements d'enseignement, il y a eu quand même beaucoup de questionnements qui avaient été faits face à cet outil-là dans le milieu. On l'avait vu passer. Il y avait des gens qui disaient, ben oui, mais dans le fond, cette technologie-là, éventuellement, va être obsolète. Devrait-on pas plutôt d'abord revoir les manières d'enseigner avant d'intégrer une technologie qui, si elle est amenée de manière peut-être, entre guillemets, un peu gratuite, ben pourrait être simplement assimilée à un gadget. Donc, c'est toujours d'aller au-delà des gadgets pour aller voir l'usage véritable, le besoin véritable. Et donc, selon Jean-François Gauthier, ben, en matière de transparence, il y a un besoin véritable. Donc, il y a une solution qui est celle des données ouvertes. Et l'intégration de ces données-là ben, peut amener ensuite d'autres solutions à être proposées en lien avec des problèmes qu'on ne soupçonnerait pas nécessairement. Donc, l'idée que tout le monde, dans le fond, peut innover parce que tout le monde a accès à cette information-là. Donc, tout le monde peut l'utiliser et proposer des choses pour la mettre en valeur. Donc ça c'est un exemple d'usage qu'on peut mettre de l'avant, mais évidemment ça nous ramène, comme je le disais, à la question de besoin. Dans la mesure donc quels sont les citoyens aujourd'hui, quelle est la ville aujourd'hui et quelle est la ville qu'on veut avoir pour demain. Au bout du compte, et comment les technologies là-dedans ben, peuvent être intégrées. C'est toute la notion de redéfinition, dans le fond, de l'espace public. Et ça, je trouvais ça intéressant, parce qu'encore là, des colloques comme ça, on se lance des idées, on se lance des questions, ouais. Et on voit ensuite comment on les rattrape. Mais c'est l'idée, par exemple, que l'espace n'est pas nécessairement limité à un lieu physique, mais que ce lieu-là peut être augmenté entre guillemets par des éléments virtuels, que ce soit de l'information ou autre, et que le visiteur de ce lieu-là, donc le citadin, la citadine, eh ben lui-même va être porteur aussi d'un pan de cette ville virtuelle-là, et va être un acteur dans ses déplacements de cette ville-là aussi. On l'est déjà tous un peu en fait avec nos téléphones intelligents, ceux qui ont des cellulaires, nos autos aussi qui ont des GPS, tous les éléments, dans le fond, qui peuvent nous permettre de s'afficher comme étant l'utilisateur d'un lieu, eh bien, c'est certain qu'après ça, de cette utilisation ben, peut naître une réflexion aussi sur l'espace. On nous donnait un exemple dans une des conférences, c'est Stéphane Roche qui ressortait ça. Il y a eu des études qui ont été faites au MIT, au Sensible City Lab, et c'était pendant un concert de Madonna, je crois, dans le coin du Vatican. Donc, il avait fait un suivi des données cellulaires, donc de l'utilisation des données cellulaires pendant la période avant, pendant, après le concert, à l'échelle de la ville au complet. Et donc, il avait pu remarquer, ben d'abord, tranquillement, donc, une émergence, une utilisation de plus en plus importante des technologies dans différents lieux, des lieux de rassemblement autour du concert. Ensuite, un déplacement de ces flux-là vers le lieu du concert. Et quand ils avaient mis l'utilisation en parallèle du setlist et de résumé du spectacle, ben il y avait eu des moments forts, comme dans tout spectacle, ouais. Des montées, des crescendo. Et ces crescendo-là, au niveau émotif, se concordaient wow. Des montées d'utilisation du téléphone. On texte, wow, quel moment extraordinaire, on prend des photos, on envoie, on tweet, etc. Et ensuite, après le spectacle, ben une baisse de l'utilisation dans le lieu du spectacle et une dissémination des utilisateurs dans différents lieux, dans des bars où on poursuivait la soirée ou simplement le retour à la maison. Donc, on avait pu prendre à travers les yeux d'un événement précis dans quelques heures précises, littéralement le pouls d'une ville, le battement cœur d'une ville. Mais encore là, maintenant qu'on sait qu'on peut faire ça, qu'est-ce qu'on en fait? Ça, c'est la grande question. C'est une autre bonne question. On sait que les citoyens peuvent être des capteurs, et ils le sont déjà, des capteurs conscients ou inconscients. Maintenant, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'on peut les amener à redéfinir l'image de la ville, à repenser nos repères spatiaux, à repenser les interactions qu'on peut faire en lumière de constats comme celui-là? On nous a exposé à Rennes un projet qui s'appelle Datapolis. Donc, on essaie de mettre de l'avant pour justement essayer de penser les lieux, de penser les associations. On nous a parlé aussi de projets comme ceux des cantines numériques où là, dans le fond, on essaie d'utiliser la technologie et la volonté d'usage que tout un chacun a pour créer des lieux de rassemblement autour justement de cette entre guillemets culture technologique là. Donc l'idée par exemple que d'un côté on a des entreprises qui veulent développer des usages, développer des outils et qu'ils ont besoin de gens pour essayer de les tester. Donc ça devient un lieu d'expérimentation donc pour l'entreprise et pour la recherche universitaire, académique et autres. Donc, il y a cet usage-là. Il y a un usage de vulgarisation, donc peut-être un peu comme on le fait dans des chroniques ici, dans des conférences qu'on propose à la Bibliothèque Gabriel-Leroy de notre côté à Litis. Il y a plein d'activités comme ça, saveur technologique. Et donc, de créer un espace de rassemblement pour vulgariser, pour présenter, pour permettre aux gens d'appréhender ces réalités-là. Et parallèlement, ben un espace de mise en commun et de réflexion pour amener peut-être une co-création, mais à l'échelle, au bout du compte, d'une ville, donc d'une co-création, d'une réalité numérique, d'une réalité technologique qui serait le reflet de ses utilisateurs. Ce qu'on dit, c'est à Rennes, ça marche assez bien. À Paris, il y en a aussi. Des budgets quand même importants de mise en place. Ça peut coûter à peu près quoi, 112 000 euros, du moins pour celle de Paris. Et on parle donc d'utilisateurs à peu près d'hommes de 25 à 35 ans principalement, donc les premiers usagers des technologies au bout du compte. Et les gens viennent pour essayer de justement comprendre, essayer de participer à de nouveaux développements, donc dans une approche de laboratoire vivant et le reste, et ça a eu quand même un bon succès en Europe, dans la mesure où le réseau de ces cantines numériques-là, ben c'est rien de moins que disséminé à l'échelle de la France, il y en a une dizaine à peu près. Donc ça devient un exemple intéressant, on parlait de médiation, mais pour qu'il y ait médiation, il faut qu'il y ait un espace de rencontre. La technologie, c'est un espace de rencontre virtuel, mais ça peut être intéressant d'essayer de jouxter cet espace virtuel-là à un espace réel qui pourrait avoir des assises réel à l'intérieur de la ville et dans lequel ensuite on pourrait appréhender l'univers virtuel parce que veut pas, c'est pas tout le monde qui le maîtrise le virtuel, donc il faut se donner des lieux pour apprendre à le maîtriser, pour apprendre ensemble à l'explorer. Donc, il y a de quoi à faire avec ça, finalement. Oui, il y a de quoi à faire. Et ça, c'est seulement quelques exemples. On a terminé la journée avec une exploration de l'idée de médiation urbaine. On en a parlé un peu en lien avec certaines expériences qu'il y avait eues à Québec. Donc, l'idée, par exemple, qu'on crée un modèle 3D d'une ville. Mais si ce modèle 3D-là, par exemple, il est disponible, ils le font un peu à Rennes, et c'est en développement aussi ici et ailleurs. Donc, si on propose un nouveau projet de construction, ben, subitement, on peut avoir l'intégration réelle des nouvelles constructions dans la ville. On peut faire des tests réels quant à l'ensoleillement et le reste. Donc, ça permet aussi d'utiliser les technologies pour favoriser une prise de décision qui est peut-être un peu plus facile. Et on peut le faire autant sur les éléments qui sont au haut du sol que ceux qui sont au-dessous du sol. Donc, dans l'idée aussi de co-construire la ville et d'utiliser, dans le fond, le virtuel, le technologique, le numérique pour se donner des outils pour imaginer ensemble un espace réel qui est à notre image, mais de manière collective. Et ça devient donc un outil, on revient à l'idée de médiation, mais un outil rassembleur de médiation. Alors, c'était un peu ce qui était mis de l'avant au fil de cette journée-là. Et donc, journée d'ouverture du colloque sur les questions de gouvernance, de participation citoyenne, qui ont mis de l'avant, je pense, les possibilités qui sont offertes par ça, mais comme tu le soulignais en cours de chronique, les questions aussi qui sont rattachées implicitement à ces usages-là, qu'il faut continuer de réfléchir, qu'il faut continuer d'explorer, mais en sachant qu'il y a déjà des constats qui ont été faits ici comme ailleurs, et des constats qui sont, somme toute, fort positifs et fort encourageants dans le contexte d'une utilisation intelligente des technologies au service des citoyens et citoyennes. Mais ce sont des sujets et réflexions très, très intéressants. D'ailleurs, Litis, vous ne faites que ça. D'ailleurs, il y a un événement qui s'en vient. Oui, mais en fait, une petite conférence qu'on offre, parce qu'on a beaucoup parlé de ville intelligente dans les chroniques, mais on en parle par l'eau d'une dizaine de minutes, ça et là. Alors, on s'est dit, on va prendre une heure et demie pour explorer cette thématique-là, donner beaucoup d'exemples, notamment que ce soit à Québec, ailleurs, en recherche autant qu'en réalisation. Alors, ce jeudi à 19h, à la Bibliothèque Gabriel-Leroy, donc juste avant peut-être d'aller faire un tour au Carrefour international de théâtre, pourquoi pas. Voilà. Eh bien, on vient, on apprend sur la ville pendant cette heure-là et on en ressort peut-être avec une compréhension plus grande de ce qu'est une ville intelligente. Ce sera un peu les villes intelligentes 101, donc à 19h ce jeudi 23 mai à la Bibliothèque Gabriel-Leroy. Pour plus de détails, itis.ulaval.ca. D'ailleurs, on peut réentendre les chroniques qu'on fait ensemble. Raymond Poirier, merci beaucoup. Ça me fait plaisir.